السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes inshallah ta'ala samedi le 1er 4 1430 de l'Hégire, c'est-à-dire le 28/3/2009 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes inshallah ta'ala dans le 35e cours. Nous sommes dans le 35e cours du deuxième tome de l'Aqida al-Wasitiya. Nous sommes toujours sur le chapitre « Le mérite des compagnons ». La fois passée, on avait parlé des quatre grands compagnons qui ont succédé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort dans le califat. Nous avons cité, d'ailleurs, comme révision je vais dire, le compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et qui est mort tel. Et nous avons dit que les compagnons du prophète alayhi wa sallam sont les meilleurs entre tous les compagnons des prophètes, même des autres prophètes. En vertu du hadith qui dit, les meilleurs hommes sont ceux de mon siècle. Hadith sahih, rapporté par Bukhari et Muslim. Et les plus méritants des compagnons sont les émigrés, Muhajirun. Vu qu'ils ont à la fois le mérite de l'immigration avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui de son soutien. Bien ensuite les alliés de Médine, Ansar. Et on a vu que les plus méritants des Muhajirin sont les quatre califes orthodoxes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Qu'Allah Azza wa Jalla les agrée. Et on a parlé de Abu Bakr Siddiq. Maintenant on ne va pas répéter la même chose, on va dire très vite que yani, c'était lui le premier qui a succédé, premier calife, le premier des quatre califes bien guidés, radiyallahu ta'ala anhu. Et on avait dit que il mourut à l'âge de 63 ans. Ensuite on a parlé aussi de Omar qui est le second, sa kunya Abu Hafs, surnommé en islam le Farouk. Celui qui discerne le vrai du faux. Et on a dit qu'il est mort, et il est tombé au martyr. Il est mort martyr. Tué par un ennemi de l'islam. On a cité son nom à l'âge de 63 ans aussi. Ensuite est venu Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, le troisième calife, qui lui aussi, mourut assassiné. On parlait des Khawarij, à l'âge de 90 ans. Et ensuite, Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même fut assassiné et mourut en martyr à l'âge de 63 ans. Donc, comme on a dit la fois passée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort à 63 ans, ainsi que Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, ainsi que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand on va voir la relation entre lui et les quatre califes radiyallahu ta'ala anhu qui ont succédé après lui, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, on va voir que les deux premiers, Abu Bakr et Omar, les deux premiers ont donné, Abu Bakr et Omar, ont donné leur fille au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr lui a donné Aïcha, Et Omar lui a donné Hafsa. Et les deux autres, Uthman et Ali, radiallahu ta'ala anhum, le messager d'Allah, c'est lui qui leur a donné ses filles. Donc il a donné à Uthman ibn Affan, Umm Kulthum wa Ruqayya, et il a donné à Ali ibn Abi Talib, Fatima. Et ce n'est pas, bien sûr, une coïncidence. Donc, ces quatre califes bien guidés se classent en ordre de mérite comme suit. Par ordre de mérite, qui est le premier des quatre? C'est pas nous qui choisissons, mais c'est yani, les pieux prédécesseurs eux-mêmes qui ont choisi ça. Donc, c'est même le messager d'Allah, comme vous allez le voir, par consentement. Donc, le premier, c'est qui par ordre de mérite? Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, Uthman ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, Ali ibn Abi Talib, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui disait, quand nous devions choisir parmi les gens au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous options pour Abu Bakr, ensuite Omar ibn Khattab, ensuite Uthman ibn Affan. Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Hadith sahih rapporté par Al-Bukhari. Dans une version de Abu Daoud, il est dit, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous disions, le meilleur de la nation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après lui est Abu Bakr. Vient ensuite Omar, ensuite Uthman. Hadith rapporté par Abu Daoud, 4628. At-Tabarani ajoute dans une version, il ajoute, quand il l'apprenait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le désapprouvait point. Celui d'entre eux qui a le plus de droits au califat, en succession au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Car il est le plus méritant, le plus ancien à avoir embrassé l'islam. Et d'ailleurs, je vous ai cité les années qu'on dit de lui les savants et les éloges qu'ils ont fait de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait désigné pour présider les fidèles à la prière à sa place. À sa place. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sûr qu'il ne laisse pas n'importe qui à sa place s'il est absent. Mais il choisit le meilleur des gens. Et parce que les compagnons radiallahu ta'ala anhum l'avaient désigné à l'unanimité pour les présider. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons à l'unanimité l'ont choisi pour qu'il les préside. Et ils lui ont prêté allégeance en tant que calife, sachant qu'il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jal les ait conduits à s'accorder sur une erreur ou un égarement. D'ailleurs, il y a un hadith authentique que vous connaissez qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. C'est un hadith authentique qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas grouper ma nation sur une erreur. Il est possible que 10 personnes se trompent, 20, 30, 10 000, 100 000, mais pas toute la nation. Pas toute la nation. Ensuite, Omar, radiallahu ta'ala anhu, vient en deuxième place. Vu qu'il est le meilleur des compagnons après Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Et on a dit ce qu'on dit de lui, yani les savants, et comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Et Cheikh Al-Albani a dit authentique, qu'est-ce qu'il a dit? S'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar, déjà hadith, ça suffit. Ça suffit. Je disais, vu qu'il est le meilleur des compagnons après Abu Bakr, et que ce dernier, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, lui avait confié le califat avant de mourir. Donc vous voyez en islam, il est possible que ce sont les gens qui décident, comme ils ont décidé par rapport à Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, et il est possible que le calife lui-même choisisse quelqu'un et le désigne avant de mourir, C'est possible aussi ça. Et c'est possible qu'il y ait une concertation entre les gens, un mashura, ils choisissent un califat, comme ils ont choisi les six qui sont connus, ils ont choisi Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Naam. Ce sont les trois sortes, naam, qu'il y a en islam. Il y a une quatrième sorte qui est aussi, si je puis dire, comment on dit ça, c'est-à-dire accepter, enfin accepter. Ça veut dire que si jamais le calife ou une personne prend les rênes du pouvoir avec force, naam, et que khlas, naam, elle a tout entre les mains, elle sunna ou jama'a disent, cette personne, il faut lui obéir. Maintenant que elle a pris tous les pouvoirs entre les mains, l'armée, etc., elle dirige tout, même si on n'aime pas cette personne, même si on ne la veut pas, on n'a pas le droit de lui déclarer la guerre et de se rebeller contre elle. C'est ce qui discerne le minhaj de Ahl-Sunnah du minhaj des takfiriyin. Des takfiriyin, naam. Ensuite, vient Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan, marié à deux filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, quand l'une est morte, il s'est marié avec la deuxième. Uthman ibn Affan, naam, auquel le messager d'Allah a dit à certains gens comment ne pas avoir honte de lui, naam, alors que les anges sont pudiques devant lui ou là en honte de lui. Naam. Et cela s'est passé dans un hadith authentique où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis disons, sur un puits et on voyait un peu de son genou plus haut, un peu plus haut que son genou. On lui a dit, il y a Omar ibn Khattab, il y a Abu Bakr Siddiq qui veut rentrer te voir, hein, qui veut rentrer, est-ce que tu lui permets? Il a dit, permettez-lui, hein. Il est rentré. Ensuite, il ne s'est pas couvert le genou et un peu de sa cuisse, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on lui a dit, il y a Omar ibn Khattab qui demande la permission. Il a dit, faites-lui entrer, ou bien faites-le entrer. On l'a fait rentrer sans qu'il ne cache son genou, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est rentré, Uthman ibn Affan, il a caché sa cuisse, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on lui a posé la question, comment se fait-il les deux premiers? Non, tu n'as pas caché. Et la semaine est rentrée, tu as caché ton genou. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce que je viens de dire. Il a dit, comment ne pas avoir honte devant une personne dont les anges entendent. En honte. Non. Ensuite, vient qui? Vient Ali ibn Abi Talib. Non. Ali ibn Abi Talib, le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vu son mérite et sa désignation par consensus de ses contemporains. Non. Ces quatre sont les califes orthodoxes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. À propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande de vous conformer à ma voie, à ma sunna. Ainsi qu'à celle des califes orthodoxes qui me succéderont. Mordez-y fermement. Mordez-y fermement. Naam. Et le hadith est un peu long. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et dans un hadith authentique, il a dit, une seconde, inshallah. Naam. Il a dit, le califat, orthodoxe, c'est-à-dire après moi, durera 30 après ma mort, 30 années. Le califat orthodoxe après moi durera 30 ans après ma mort. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, et dans l'Albani a dit, sa chaîne de transmetteur est bonne. Non, Isnad Hassan. Le dernier de ces califats fut celui de Ali ibn Abi Talib, selon l'auteur, qui semble annexer le califat d'Al-Hassan, le fils de Ali, Al-Hassan, à celui de son père, ou bien ne pas la considérer au nombre des califats sudis, du fait qu'Al-Hassan l'a concédé. Ainsi donc, le califat, c'est-à-dire le règne du califat de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, aura duré 2 années, 3 mois et 9 jours. 2 années, 3 mois et 9 jours. Le califat de Omar radiallahu ta'ala anhu, a duré 10 années, 6 mois et 3 jours. Le califat de Uthman radiallahu ta'ala anhu, a duré 12 ans, moins 12 jours. Enfin, celui de Ali, radiallahu ta'ala anhu, aura duré 4 années et 9 mois. La période totale des 4 califats est alors de 29 années, 6 mois et 4 jours. Et le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le califat après moi durera 30 ans. Subhanallah al-Azim, regardez quand il dit une chose, sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle jamais de ses passions. Et en fait, il a duré combien? Je répète, 29 ans, 6 mois et 4 jours. Allahu Akbar. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire après la mort de son père, Ali ibn Abi Talib, reçut ensuite l'allégeance le jour, comme j'ai dit, où son père Ali fut assassiné, au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 41 de l'Hégire. Afwan, je répète, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, Afwan, Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, reçut ensuite l'allégeance le jour où son père fut assassiné. Et au mois de Rabi' al-Awwal de l'an 41, il se désista et confia le pouvoir à Muawiyah. C'est-à-dire juste après 6 mois de califat, il se désista et confia le pouvoir à Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Et ainsi, qu'est-ce qui se passa? Se réalisa la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, lorsqu'il avait dit, le califat orthodoxe durera 30 après ma mort, c'est-à-dire 30 ans. De même que se réalisa sa prédiction à propos d'Al-Hassan, son petit-fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une fois, mon fils que voici est un noble. Mon fils que voici est un noble. Peut-être Allah, Azza wa Jal, conciliera 2 grandes fractions musulmane grâce à lui. Hadith rapporté par Bukhari. Peut-être que Allah Azza wa Jal conciliera 2 grandes fractions musulmanes grâce à lui. Et subhanallah al-Azim, ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est réalisé. Car après la mort de Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que Al-Hassan a pris le pouvoir. Mais vous savez que avant qu'il ne prenne le pouvoir, son père déjà, Ali ibn Abi Talib, était en grand désaccord avec qui? Avec Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Et il y a eu même des batailles, hein, et des combats entre l'armée de Ali ibn Abi Talib et l'armée de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Mais quand Al-Hassan prit le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y resta que 6 mois. Et pour qu'il n'y ait pas la fitna et les fitna entre les grandes fitna et les grands problèmes entre les musulmans, il se désista et donna le pouvoir à Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. Et ainsi se réalisa le hadith authentique où le messager d'Allah avait dit, peut-être que Allah conciliera 2 grandes fractions musulmanes grâce à lui. Subhanallah. Donc il a été la cause de la réconciliation de 2 grandes fractions musulmanes. Naam. Et maintenant, on va passer à un nouveau titre. Naam. En ce qui concerne l'attestation de la béatification ou de la damnation de quelqu'un. En ce qui concerne, quand est-ce qu'on a le droit de dire de quelqu'un qu'il est, par exemple, au paradis ou là qu'il est en enfer. Naam. Avant de passer à cela, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Naam. Pour dire que ce qui est ton nom, en ce qui concerne les chiites, les rafidites, naam, les rafidites, que Allah Azza wa Jal les châtie de ce qu'ils méritent, ce qui est vraiment drôle chez eux, c'est qu'ils disent, comme vous le savez, vous savez que les chiites n'aiment pas Abu Bakr Siddiq, ni Omar ibn Khattab, ni Othman ibn Affan, mais surtout, surtout, surtout les deux premiers, surtout Abu Bakr et Omar, mais aussi Othman. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils ne les aiment pas? Ils disent que le califat revient à Ali ibn Abi Talib, et les autres le lui ont volé. C'est-à-dire que Abu Bakr et Omar, et même Othman, lui ont volé le califat, mais que le messager d'Allah, d'après eux, a désigné comme ça explicitement que après moi viendra Ali ibn Abi Talib. Et les autres, les Sahaba, ils ont caché des hadiths pareils et ils sont même devenus kuffar. Ils ont apostasié, donc ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit à quoi? Au califat. Donc ils ont volé le califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour ça qu'ils détestent beaucoup, beaucoup, beaucoup, surtout qui? Surtout Abu Bakr et Omar. Et je vous ai dit ce qu'ils disent sur Abu Bakr et Omar radiyallahu ta'ala anhumah. Mais ce qui est étonnant, c'est pour ça que jamais vous ne trouvez par exemple quelqu'un qui est chiite et qui en même temps s'appelle Omar ou bien Abu Bakr. Ou bien s'appelle par exemple Muawiya, surtout Muawiya. Non, c'est pas possible que quelqu'un soit chiite ou la rafidite et en même temps par exemple il s'appelle Abu Bakr ou la Omar ou la Muawiya. Mais ce qui est étonnant, eux qui détestent Abu Bakr et qui détestent Omar et qui disent ce sont des koufars, ce qui est étonnant, c'est que Ali ibn Abi Talib lui-même, qui eux le vénèrent et qui eux l'adorent plus qu'ils n'adorent Allah Azzawajal, non, ils le vénèrent et l'adorent plus qu'ils n'adorent Allah Azzawajal. Alors, Ali ibn Abi Talib lui-même avait un enfant qui s'appelait Omar. Subhanallah l'adim. Alors, comment se fait-il? Eux, ils vénèrent Ali et ils disent que Omar c'est l'ennemi d'Allah. Ensuite, Ali lui-même a un enfant qui s'appelle Omar. Mieux que cela, Ali ibn Abi Talib a un deuxième enfant qui s'appelle Omar. C'est pour ça, Ali ibn Abi Talib a Omar l'Akbar, le grand, et Omar l'Asghar. C'est-à-dire que chez les Arabes, c'est connu, quand ils ont un enfant, par exemple, il s'appelle Mohammed. Ensuite, ils ont un deuxième garçon, ils veulent l'appeler aussi Mohammed. Tellement Mohammed, c'est un nom, yani fait la baraka. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le premier Mohammed le grand et le deuxième Mohammed le petit. Non, Mohammed le grand, Mohammed le petit. D'ailleurs, moi, je connais même une famille, j'ai même un ami qui s'appelle, mon ami s'appelle Mohammed le petit. Non, Mohammed le grand, c'est son grand frère. Donc, Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, a quoi? Ah, bien sûr, entre autres, sinon il a 20, il a combien d'enfants? Il a 24 enfants. 24 enfants. Entre autres, il a deux garçons. Un garçon qui s'appelle Omar al-Akbar, un garçon qui s'appelle Omar al-Asghar. Subhanallah. Et un troisième garçon, je vous annonce la bonne nouvelle, qui s'appelle Abu Bakr. Donc, Ali ibn Abi Talib a 24 enfants, entre autres, trois garçons. Omar al-Akbar, Omar al-Asghar, le petit, et Abu Bakr, Allahu Akbar. Alors regardez, eux qui vénèrent Ali ibn Abi Talib, pourquoi ils ne suivent pas cette chose? Pourquoi ils ne disent pas, voilà, nous on vénère Ali et on l'aime plus qu'Allah et on l'adore plus qu'Allah, pourquoi on ne suit pas nos enfants, on va les appeler aussi Omar et Abu Bakr? Ou bien, yani, comment qu'on va dire, yani, Ali ibn Abi Talib s'est trompé, ou là, comment qu'on va dire? Non. Et ce qui est étonnant encore, ce qui est plus étonnant, c'est que Ali ibn Abi Talib, non, a donné une de ses filles, une de ses 24 enfants qui s'appelle Kulthum. Il l'a mariée avec Omar ibn Khattab. Allahu Akbar. Comment se fait-il que Ali ibn Abi Talib marie une de ses filles avec Omar ibn Khattab, qui est l'ennemi des chiites, le grand ennemi des chiites? Comment ça se fait? Non, c'est pour ça que si vous parlez avec un chiite ou bien un rafidite, il ne va pas accepter ça. Même si vous lui ramenez des livres, viens, on va lire l'histoire. Laissons maintenant le dîn de côté. On va lire l'histoire, c'est tout. Prenons un livre d'histoire, histoire des Arabes, et on va voir Ali ibn Abi Talib, Nam, qui était son père, qui était sa mère, qui sont ses épouses, qui sont ses enfants, Et pourquoi il y a Abu Bakr Siddiq? Pourquoi il y a Omar le Grand et Omar le Petit? Et pourquoi il a marié sa fille avec Omar ibn al-Khattab? Naam. Au point où les Khoubatha, naam, d'ailleurs, ça fait rire, au point où, quand on leur a prouvé, A plus B, que, naam, il avait un enfant, au moins un, qui s'appelait Omar, au moins un qui s'appelait Omar, sinon il a deux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien trouvé à dire. Ils ont vu la date, sa mère, c'est telle, une telle, son père, c'est Ali, etc. Il est né tel jour à la Mecque ou je ne sais pas où. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont plus rien trouvé à dire. Ils ont dit, oui, mais Ali, Naam, était marié entre autres avec une djinnia. Ce n'est pas une vraie femme. C'est une djinnia. Un djinn, il était marié avec elle, lui a donné ce Omar. Donc ce Omar, ce n'est pas un vrai Omar. Subhanallah, al-Muhim. Maintenant, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui avait 24 enfants. Entre autres, il avait qui? Il avait le Hassan ou le Hussein? Hassan ou le Hussein? Le Hassan a eu trois enfants. A eu trois enfants. C'est qui ces trois enfants? Abu Bakr, Omar, naam, et je crois Mohammed. Naam, je ne suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est deux des trois, l'un d'eux s'appelle Abu Bakr et l'autre s'appelle Omar. C'est qui? C'est le Hassan. Vous allez dire, eux, ils n'aiment pas le Hassan. Naam, eux, ils n'aiment pas le Hassan. Pourquoi? Parce que le Hassan a donné et s'est désisté du califat. Il a donné un Muawiya qui est pour eux l'ennemi, leur grand ennemi. Donc, il n'aime pas le Hassan. Donc, on va dire, Ali ibn Abi Talib avait un deuxième enfant qui s'appelle Hussein. Le Hussein, que les Rafidites aiment plus que Allah et plus que le messager d'Allah. Quand ils s'assoient, ils disent Ya Hussein. Quand ils se lèvent, ils disent Ya Hussein. Quand ils mangent, ils disent Ya Hussein. Quand ils terminent, ils remercient le Hussein. Et comme ça. Yani, ils adorent le Hussein plus qu'ils n'adorent Allah Ta'ala. Et il l'aime plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, ils prétendent quoi? Ils prétendent, yani, qu'ils se frappent, etc. Pourquoi? À cause du malheur de l'Hussein qui est mort à Karbala, nam, tué de soif. Nam. Alors ils se frappent avec les chaînes, ils se tirent les cheveux, ils se griffent, etc. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se remplir de péché. Car le messager d'Allah a interdit toutes ces formes de jahiliya. Nam. Maintenant, il y a l'islam, il y a quoi? Il y a Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il y a les doua, il y a la salat. Il n'y a pas on se tire les cheveux, on se griffe les joues. El Mouhim. Et tout cela en prétendant que yani, c'est à cause de Hussein qui est mort. Et ils ne savent pas, ou feintent de ne pas savoir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, si jamais quelqu'un de vous aura un malheur, qu'il pense à mon malheur, c'est-à-dire ma mort, ça l'aidera à, disons, amortir son malheur, à apaiser son malheur. En fait, quand tu as un malheur, ou là ton père meurt, ou là, dis-toi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est beaucoup mieux que mon père, est beaucoup plus aimé par Allah que mon père, ou bien mon fils. Et comment se fait-il qu'il soit mort? Donc, tu vas t'apaiser. Tu vas dire, mon père n'est rien devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ou là, c'est pas ça. Ça, alhamdoulilah. Mais eux, non. Eux, naam, ils se frappent ça à cause de qui? À cause de, ils ont perdu le Hussein. Naam, et ça leur dit rien qu'ils ont perdu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si on devait pleurer, si on devait se griffer, si on devait se tirer les cheveux, au moins, entre parenthèses, ce n'est pas permis, au moins fais-le à cause du messager d'Allah. Fais-le, au moins à cause du messager d'Allah. Peut-être, Allah Ta'ala, peut-être pour ta niya, il va te pardonner. Mais ne le fais pas pour le Hussein. Non, sinon, ça veut dire que le Hussein, pour toi, il est mieux que le messager d'Allah. Al-Muhim, Al-Hussein, l'un des 24 enfants de Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il avait? Il avait entre autres beaucoup d'enfants. Il avait Fatima, Abdullah, Soukaina, Mohammed et Abu Bakr et Omar. Subhanallah al-Azim. Donc, الحسين أبي أبو بكر عمر، الحسن أبي أبو بكر عمر، علي بن أبي طالب أبي أبو بكر عمر. أبو بكر عمر les deux plus grands alliés d'Allah Ta'ala, les deux meilleures créatures après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les deux plus grands ennemis par rapport aux Shia, hein, qu'Allah Ta'ala les maudisse dans cette vie et l'au-delà. J'espère que vous avez appris aujourd'hui quelque chose de nouveau en ce qui concerne les enfants de Ali, de ses deux fils Hassan et Hussein. Voilà. Et on va passer à autre chose, inshallah ta'ala. Naam. On va dire, en ce qui concerne, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est en enfer, ou bien quelqu'un, il est au paradis, et est-ce qu'on a aussi le droit de dire ça, ou bien on n'a pas le droit, on va dire, attester de la destination de quelqu'un au paradis ou à l'enfer, n'est pas du ressort de la raison et relève exclusivement des indications scripturaires, relève exclusivement du Coran et de la Sunna. Il est impossible que on puisse connaître ces choses-là seulement par la raison ou bien par l'intelligence ou bien pour avoir mûrement réfléchi ou bien pour avoir beaucoup pensé, ou bien pour avoir fait des calculs, et on dit, voilà, toi tu es au paradis, toi tu es en enfer. C'est impossible. Il faudrait qu'il y ait un texte, un verset coranique, ou bien un hadith authentique, qui dit que telle personne est au paradis, ou bien telle personne ira en enfer. Ensuite, les deux types d'attestation de la béatitude, ou bien de la damnation de quelqu'un, se divisent en deux. Ils sont ou bien génériques ou bien spécifiques. C'est quoi l'attestation générique? C'est l'attestation se rapportant à une qualification générique. C'est pas à une personne, c'est pas on va dire Abu Huraira est au paradis, Ali ibn est au paradis. Non. Ça, c'est on va parler maintenant de l'attestation se rapportant à une qualification, à une qualité aussi générique. Par exemple, lorsqu'on dit que tout croyant ira au paradis. Parce qu'on va dire, tout impie ira en enfer. Donc il s'agit de qualité, pour ainsi dire, que le législateur a établi comme cause de l'accès au paradis, ou bien cause de la damnation en enfer. Ça, c'est l'attestation générique. Ensuite, il y a l'attestation spécifique. C'est l'attestation relative à une personne précise, tel qu'attester, par exemple, qu'un tel, un tel, avec son nom, sera parmi les bienheureux du paradis. Ou bien, qu'un tel, avec son nom, sera damné en enfer. On ne doit spécifier aucune personne en dehors de celle désignée par Allah Azza wa Jal, ou bien son messager. Ensuite, on va dire les personnes désignées de façon spécifique, comme étant destinée à la béatitude céleste parmi les bienheureux du paradis sont nombreux, dont notamment les 10 compagnons radiallahu ta'ala anhum, auxquels fut annoncée la nouvelle de leur destination au paradis, et qui furent désignés explicitement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui les dénombre tout en disant Abu Bakr est destiné au paradis. Omar est destiné au paradis. Uthman au paradis. Ali au paradis. Talha au paradis. Zubayr au paradis. Abdurrahman ibn Awf au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas au paradis. Sa'id ibn Zayd au paradis. Abu Ubaid ibn al-Jarrah au paradis. Hadith authentifié par Sheikh al-Albani, rapporté par Tirmidhi. Les 4 califes orthodoxes ont déjà été présentés amplement précédemment. Les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, on a cité un peu leur biographie en détail, on a dit qu'ils sont parmi les 10 cités par le messager d'Allah, qu'ils seront au paradis. On va parler un peu des 6 autres. Le cinquième, Talha ibn Ubaidallah, issu des Banu Taym ibn Murra. C'est l'un des huit premiers devanciers à embrasser l'islam. Il fut tué lors de la bataille du Chameau, au mois de Jumada, l'Akhira de l'an 36 égérien, à l'âge de 64 ans. Ensuite, il y a qui ? Az-Zubayr ibn al-Awwam, de la tribu des Banu Qusay ibn Kilab, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils de la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui ? Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il renonça lors de la bataille du Chameau au combat de Ali. Il n'a pas voulu combattre. Non. Et fut intercepté par Ibn Jumuz, qui le tua au mois de Jumada, l'Oula, de l'an 36 égérien, à l'âge de 67 ans. C'est qui ? C'est Zubayr ibn al-Awwam, l'un des 10 destinés au paradis. Zubayr ibn al-Awwam, c'est qui en même temps ? C'est le mari de Asma. Asma, la fille de Abu Bakr Siddiq, la sœur de Aïcha, radiallahu ta'ala, notre mère. Vous connaissez tous notre mère Aïcha. Elle avait entre autres une sœur qui s'appelait Asma. Ce n'est pas sa sœur de père et de mère. C'est sa sœur seulement de père, c'est-à-dire de Abu Bakr Siddiq. Mais sa mère, c'est-à-dire celle de Asma, qui est la mère de Aïcha, ne sont pas les mêmes. Celle de Aïcha s'appelait, ou sa cognacité, Oumou Romaine. Celle de Asma, je ne la connais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'était une mouchrika. D'ailleurs, c'est elle, c'est Asma qui a dit une fois au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est dans le Bukhari, elle lui a dit, ya Rasulallah, ma mère veut, par exemple, que je l'aide matériellement, etc. Est-ce que je le fais ou pas ? Il a dit, fais-le, c'est Léa. Quand quelqu'un a une mère qui est mouchrika, et si elle te dit, je suis en panne d'argent, tu lui donnes, tu lui donnes pas ? Tu lui donnes. Si elle te dit, j'ai pas de quoi manger, tu lui achètes, mais tu lui achètes pas le porc, tu lui achètes la viande halal. Si elle te dit, je n'ai pas de vêtements, tu lui achètes, mais tu lui achètes pas les vêtements qui sont haram. Et comme ça. Naam. Ensuite, il y a qui ? Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu ta'ala anhu, de la tribu de Banu Zuhra ibn Kilab. Il mourut en 32 de l'Hégire, à l'âge de 72 ans, et fut enterré au cimetière du Baqi'a, à Médine. Ensuite, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Vous vous rappelez, on est toujours dans son hadith à Riyad Salihin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Riyad Salihin. On est au hadith, où, pour vous rappeler un peu, Sa'd ibn Abi Waqqas, que le messager d'Allah est allé lui rendre visite quand il est tombé malade à la Mecque. Et lui a dit à Rasulullah, j'ai une fille qui va mériter. Est-ce que je peux aller faire l'aumône de mon argent aux gens, alors qu'il y a une fille qui va mériter ? Il lui a dit non. Il lui a dit le demi, non. Il a dit le un tiers. Il a dit le un tiers, et c'est beaucoup. Vous connaissez ce hadith, on l'a expliqué, on a donné, inshallah ta'ala, ses intérêts. C'est celui-là, Sa'd ibn Abi Waqqas. On avait dit entre autres qu'il avait quoi ? Il avait la particularité qu'il avait les doigts exaucés. Quand il faisait une doigt contre quelqu'un, ou là, peut-être aussi pour quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucait. Voyez. Qu'est-ce qu'il a aussi comme particularité ? On l'a cité aussi. On avait dit, c'est le premier à avoir lancé une flèche pour la cause de Allah en islam. C'est le premier à avoir lancé une flèche de son arc. Non. Ou bien pas de son arc, peut-être avec sa main. C'est le premier à avoir lancé une flèche fi sabilillah azza wa jalla. Car des fois on vous donne dans des jeux, enfin pas des jeux, ou bien des gens, disons des jeux islamiques comme ça. On donne des questions-réponses. Des questions comme on faisait nous dans le concours. Par exemple, on va dire, qui est le premier en islam qui a jeté une flèche fi sabilillah? Tu vas vite répondre, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Il mourut dans son palais, à Aqiq, à 10 000 de Médine, et fut enterré au cimetière de Baqi'a, en l'an 55 de l'Égypte, à l'âge de 82 ans. Quel est l'autre aussi qui est parmi les 10 qui vont entrer au paradis? Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nouweifel, Nouweil, issu de la tribu des Banu Oudey, l'un des premiers convertis à l'islam. Il mourut à Aqiq et fut enterré à Médine en l'an 51 hégirien, à un peu plus de 70 ans. Ensuite, il y a qui? Il y a Abu Ubaida, Amir ibn Abdillah ibn al-Jarrah, de la tribu de Banu Fihr, l'un des premiers convertis à l'islam. Il mourut en Jordanie à l'âge de 85 ans, lors de la peste qui frappa Amwas en l'an 18 hégirien. Parmi les autres personnes aussi, dont la béatitude céleste et l'accès au paradis ont été annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, figure qui? Al-Hassan, naam, il y a aussi Al-Hussein, ses deux petits-fils, et Thabit ibn Qais. Quant à Al-Hassan et Al-Hussein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Hassan et Al-Hussein seront les plus nobles jeunes hommes du paradis. Rapporté par Tirmidhi, hadith sahih. Al-Hassan et Al-Hussein seront qui? Les plus nobles jeunes hommes du paradis. Non. Quant à Thabit ibn Qais aussi, il sera au paradis, d'après le hadith rapporté par Bukhari, où il est dit que lorsqu'Allah Ta'ala fait descendre le verset où il est dit Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Il y a un verset, sourate Hujurat, où Allah Ta'ala fait descendre un il y a une sourate où Allah Ta'ala fait descendre un verset où Allah Ta'ala dit il ne faut pas lever la voix yani, plus haute que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, lorsqu'ils venaient appeler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au lieu par exemple d'aller frapper doucement à la porte, ils criaient de dehors Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Allah Ta'ala fait descendre un verset. Il a dit ce n'est pas comme ça qu'on appelle le messager d'Allah. Premièrement, on ne l'appelle pas Ya Muhammad. Et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on crie. C'est pas comme ça qu'on crie. Alors celui-là, Thabit ibn Qais, quand il a vu ce. Il a su qu'un verset est descendu spécialement. Naam, pour. Voilà, c'est ce verset, Barakallahu fik. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et ne haussez pas le ton lui parlant, quand vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Barakallahu fik. Celui-là, quand il a su que ce verset venait de descendre, il s'est caché dans sa maison, il ne sortait plus. Le messager d'Allah, quand il a remarqué cela, il a envoyé quelqu'un lui le chercher. Il l'a trouvé dans sa maison, il lui a dit « Pourquoi tu sors plus ?» Il lui a dit « Parce que Allah Ta'ala fait descendre tel verset, hein, et moi, je sais que yani, j'ai l'habitude de parler comme ça fort et de hausser ma voix et de la d'élever ma voix. Donc Allah Ta'ala a dit vos œuvres deviendraient vaines tant que je suis des gens de l'enfer. C'est pas la peine que je sorte de la maison. » Alors le message de là, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a appris cela? Il a dit « Tu ne seras pas avec les réprouvés de l'enfer, mais bien au contraire parmi les bienheureux du paradis. » Regardez, un témoignage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là. Et Al-Hassan, comme vous devez le savoir, c'est qui? C'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son favori. Il est le commandeur des croyants. Naam, Al-Hassan. Il est le commandeur des croyants. Ce n'est pas comme Al-Hussein. Et pourtant les Rafidites aiment Al-Hussein et n'aiment pas Al-Hassan. Ne le citent jamais. C'est comme s'il n'a jamais existé. Naam. Je disais, et, naam, Ali ibn Abi Talib, naam, fils du commandeur des croyants, et lui aussi il est fils du commandeur des croyants, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib. Il naquit le 15 Ramadan de l'an 3 de l'Hégire à Médine et il mourut au mois de Rabi al-Awwal 50 de l'Hégire. Il est enterré au cimetière de Baqia. Ensuite, il y a qui? Hussein, l'autre petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son favori. Il est aussi le fils de Ali ibn Abi Talib. Il naquit au mois de Sha'ban de l'an 4 de l'Hégire. Donc vous voyez, Al-Hassan naquit le 15 Ramadan de l'an 3 et le Hussein naquit Sha'ban de l'an 4. Pour vous dire que ce n'est pas comme on nous a toujours appris que le Hassan et le Hussein sont des quoi? Sont des, comment on dit ça en français? Sont des jumeaux. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a une année de différence entre les deux. Et le Hussein, radiallahu ta'ala anhu, naam, fut tué à Kerbala le 10 Muharram de l'an 61 de l'Égypte. Naam. Tayyib. Quant à Thabit ibn Qais, bien sûr, il mourut en martyr au cours de la bataille de Yamama vers la fin de l'an 11 de l'Égypte, ou bien le début de l'an 12. Il y a aussi d'autres personnes, il y a aussi d'autres personnes que Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah n'a pas citées, mais qui iront, inshallah ta'ala, au paradis. Je cite par exemple Umm Sulaym, la mère de Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anha, que les gens appelaient Rumaysa, que le messager appelait aussi Rumaysa. Il a dit que j'ai vu Rumaysa au paradis. Naam. Et Bilal aussi, Bilal, naam. Quand il est descendu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bilal, dis-moi qu'est-ce que tu fais, car j'ai entendu les pas, tes pas, naam, au paradis. Naam. Il y a aussi Bilal. Il y a aussi, par exemple, la femme, si vous vous souvenez, la fornicatrice, qui a donné à boire aux chiens. Non, celle-là, bien sûr, ne fait pas partie de notre nation, mais c'est la nation de Ben Israël. Non. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres qui n'ont pas été, que le cheikh n'a pas cité, rahimahullah. Ensuite, je voudrais aussi ajouter une autre chose, c'est que dans un autre livre, je ne sais plus quel livre, Cheikh Ibn Uthaymeen a ajouté une autre chose. Il a dit, puisqu'il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que vous êtes les témoins d'Allah azzawajal sur la terre. C'est-à-dire les hommes, naam, sont les témoins d'Allah azzawajal sur la terre. Vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois il y a un cortège funèbre qui est passé devant lui, il a entendu les gens faire les éloges du mort. Il a dit Wajabet, Wajabet. Ensuite, une heure après ou une demi-heure, il y a un cortège funèbre qui est passé, un deuxième. Il a entendu les gens, nam, dire du mal du mort. Il a dit Wajabet, Wajabet. On lui a dit à Rasoulallah tout à l'heure. Un cortège funèbre est passé, on a dit du bien, tu as dit Wajabet. Maintenant, un cortège funèbre est passé, on a dit du mal, du mort, tu as dit Wajabet. C'est quoi ça? Il a dit Naam, quand le premier est passé, le premier mort, vous avez dit du bien, j'ai dit Wajabet. Wajabet, ça veut dire, il sera au paradis. Et le deuxième, vous n'avez dit de lui que du mal, j'ai dit Wajabet. Ça veut dire, il doit rentrer en enfer, il rentrera en enfer. Naam, comme le premier, il rentrera au paradis. Ensuite, il a cité le hadith, il a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahoullah, se basant sur ce hadith de vous êtes les témoins sur terre, il a dit, nous, en islam, on a le droit d'attester que quelqu'un est au paradis, sauf s'il y a un verset ou un hadith. Mais s'il y a une personne qui est très très connu par yani, son islam, par sa science, par son djihad dans l'islam, par les sciences qu'elle a propagées, par son imama, par ceci, il a dit, puisqu'il y a le hadith qui dit vous êtes les témoins d'Allah sur terre, donc cette personne, on va dire qu'elle sera aussi au paradis. Et il a cité quoi? Il a cité l'exemple des quatre imams, les grands imams, Abu Hanifa, rahimahullah, Malik, rahimahullah, Shafi'i, rahimahullah, et Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Ces quatre grands imams, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ils sont au paradis. Ils seront au paradis. Il a dit, nous sommes les témoins d'Allah sur terre, et tous les musulmans, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, sont tous unanimes à leur faire les éloges à ces quatre. Et à dire qu'ils étaient véridiques, ils étaient des imams, ils étaient des hommes de science, ils étaient des hommes de la droiture, ils étaient des hommes justes. Ils étaient ceux, il a dit, c'est impossible que la Ummah toute se trompe. Il a dit, ces quatre-là seront quoi au paradis? Naam. Et, bien sûr, nous on va ajouter, et tous ceux qui sont à peu près dans leur rang, dans leur grand statut, naam, dans leur statut, on va ajouter Ibn al-Qayyim, Inch'Allah, Ibn Taymiyyah, Inch'Allah, Ishaq ibn Rahawi, et comme ça, Layth ibn Sa'd, et comme ça, les grands, naam, qui, yani, tous les musulmans sont unanimes pour dire qu'ils étaient les meilleurs gens, qu'ils étaient les plus savants, qu'ils étaient les plus justes, les plus véridiques, les plus pieux. Et comme ça, naam. Maintenant, quels sont les gens désignés comme damnés de l'enfer par le Coran et la Sunna? Damnés de l'enfer par le Coran et la Sunna. Les damnés désignés en tant que tels dans le Coran sont Abu Lahab, Abdul Uzza, Naam, Ibn Abdul Muttalib. Ce Abu Lahab, c'est l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa femme, Ummu Jamil, Arwa bintu Harb, Ibn Umayyan. C'est la sœur de Abu Sufyan. Leur damnation de ces deux est mentionnée dans le verset où Allah Ta'ala dit, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Que les deux mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Sayasla naran dhat lahab. Il sera exposé au feu ardent. Naam. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Ainsi que sa femme porteuse de bois. Fi jidiha hablum min masad, dont le cou est attaché par une corde de fibre. Donc, Abu Lahab, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa femme sont quoi? Seront en enfer. Naam. Il y a aussi qui? Il y a aussi Abu Talib, Abdou Manaf, Ibn Abd al-Muttalib, Naam, Abu Talib, son oncle aussi, qui n'est pas entré en islam, et sur lequel le messager d'Allah a dit, le moins châtié parmi les réprouvés de l'enfer est Abu Talib. Il sera chaussé d'une paire de chaussures de feu qui feront bouillir sa cervelle. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce deuxième oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sera lui aussi en enfer. Mais ce sera la personne qui sera la moins châtiée parmi les kuffars. Donc vous voyez, alhamdoulilah, regardez là, l'équité d'Allah Azza wa Jal, la justice d'Allah Azza wa Jal, comment Allah Ta'ala fait la différence même entre les kuffars. Regardez, deux oncles, deux personnes, issus du même père et d'une même mère, deux oncles, subhanallah l'adim. Donc deux frères, l'un il s'appelle Abu Lahab et l'autre il s'appelle Al-Muttalib, il s'appelle Abu Talib, afwan. Abu Talib. Tous deux des kuffars. Le premier sera dans les tréfonds de l'enfer. Et l'autre, subhanallah al-adim, sera parmi ceux qui seront le moins châtiés. Regardez comment Allah Ta'ala fait la différence entre deux kuffars. Pourquoi? Parce que le premier, c'est quelqu'un qui vraiment avait de la haine et de la rancune, de la grande haine contre l'islam. S'il pouvait, il aurait éteint cet islam comme on éteint une bougie, s'il pouvait. Et le deuxième, qui était un kafir, mais s'il pouvait, il aurait tout fait pour répandre cet islam. Même si lui, il ne va pas rentrer, il aurait tout fait son possible pour que cet islam se propage partout. Donc pour Allah Ta'ala, il y a une grande différence. Allah Ta'ala le juste. Qui fait la différence entre kafir et kafir. Les kuffars ne sont pas tous dans les mêmes rangs, tous dans le même statut. Alors, qu'en est-il des musulmans, bien sûr. On va s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala, ici. Naam. Et non, il y a aussi le hadith qui dit que mon père, que le père du prophète Sansom sera ton enfer. Il y a aussi le hadith de sa mère qui est morte, la mère du messager d'Allah Sansom qui est morte aussi, mushrika, et qui Allah Ta'ala n'a pas voulu que le messager d'Allah lui fasse les doigts dans sa tombe ou bien auprès de sa tombe. Et il y a aussi beaucoup d'autres, inshallah ta'ala, peut-être qu'on va les citer dans un prochain dars. On va passer, inshallah ta'ala, aux questions-réponses. Préparez-vous, inshallah ta'ala, dans 5 minutes, bi-idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولا عصر، je viens de vous enlever le raid, inshallah. Si vous pouviez poser votre question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à celui qui se repent. Entre parenthèses, Tawba. Donc, cela veut dire, celui qui fait du mal à une personne et qu'après il demande pardon à Allah sincèrement, Allah lui pardonne. Alors qu'en est-il entre la personne qui a fait du mal et l'opprimé le jour de la résurrection? Tfadal Cheikh. D'accord, j'ai bien compris la question. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. En fait, quand quelqu'un fait du mal à une autre personne, ou bien la personne à laquelle on a fait du mal est vivante ou bien elle est morte. Si elle est vivante, on doit faire deux choses. Demander à Allah Ta'ala de nous pardonner d'avoir transgressé ses lois. Et la deuxième des choses, demander à la personne elle-même de nous pardonner. Demander à la personne elle-même de nous pardonner. Si la personne est morte, on ne fait qu'une seule chose. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et le jour de la résurrection, c'est à la personne de choisir si elle veut pardonner ou elle ne veut pas pardonner. Car Allah ta'ala de son côté t'a pardonné, mais il ne peut pas te pardonner à la place d'une autre personne. C'est pour ça que les savants disent, si la personne est morte, on peut par exemple lui faire des doigts. Les doigts à Yanni qui en fait dans la niyyah que c'est pour la personne à laquelle on a fait du mal. Peut-être comme ça, le jour de la résurrection, quand elle va voir Yanni, elle va trouver des hasanat comme ça devant elle, et elle va savoir qu'elles sont venues de la part de la personne qui nous a fait mal, Inch'Allah ta'ala, ça va l'inciter à pardonner. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadl, Inch'Allah, le suivant. Bint el Bachir, c'est à vous, Inch'Allah. On vous a enlevé le raid. Assalamu alaikum. Hayakum Allah jami'an. Cheikh, j'aurais voulu savoir pourquoi, à un moment dans l'histoire de l'islam, il n'y a plus eu de calife. Qui a décidé cela? Jazakallahu khayran. Qu'Allah accorde le Firdaous à tous les frères et sœurs présents. Allahumma amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. À un certain moment, il n'y a plus de calife. Et qui a décidé cela? D'abord, c'est Allah Ta'ala qui a décidé cela. D'un décidement universel et non pas juridique. Car Allah Ta'ala n'aime pas qu'il n'y ait pas de calife. Il aimerait qu'il y ait un calife. Mais c'est pas tout ce que Allah Ta'ala aime qu'il le réalise. Comme vous l'avez étudié avec moi plusieurs fois, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Pour des sagesses que Allah Ta'ala connaît. Deuxièmement, c'est les ennemis d'Allah Ta'ala qui aiment qu'il n'y ait pas de calife aussi. Les ennemis d'Allah, ça leur ferait très mal que tous les musulmans soient sous le règne d'une seule personne, le calife des musulmans, comme au temps de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala. Mais maintenant, Al-Sunna ul-Jama'a disent, écoutez bien ce que je dis, Al-Sunna ul-Jama'a disent, Al-Sunna ul-Jama'a disent que dans chaque pays musulman, le gouverneur musulman est le calife. Ils ont dit maintenant ce n'est plus comme autrefois, mais dans chaque pays musulman, puisqu'ils sont divisés, le gouverneur qui va, comment dire, qui va présider, ils ont dit c'est lui le calife. Non. Ensuite, j'allais dire une chose et Abu Marwan l'a dite. Ensuite, sachez que le messager d'Allah a dit dans un hadith authentique que va venir encore une fois le califat. va venir encore une fois le califat, que le veuillent les ennemis d'Allah ou qu'ils détestent cela. Mais le messager d'Allah, quand il dit une chose, il ne parle pas de ses passions. Comme il a dit qu'il va durer 30 ans, il a duré 30 ans, et il a dit dans un hadith authentique qu'il viendra un jour au moins, où une autre fois il y aura le calife sur terre, le califat orthodoxe, comme au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tfadla, inshallah, on passe à l'inspire. Assalamu alaikum, cher. Je voulais que vous nous expliquiez un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit à ses compagnons que viendra un temps après ma mort où les gens qui suivront la sunna authentique auront la récompense de 50 compagnons. Pouvez-vous expliquer sachant qu'on n'atteindra jamais le statut des compagnons? Salam alaykum. Tfadal, cher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم, le hadith est dans le Bukhari, il est clair que jamais une personne de nous, si elle dépensait comme la montagne de Uhud en or, ne pourrait atteindre la poignée d'un compagnon ou bien une demi-poignée. نعم, tout le monde connaît ce hadith, alhamdoulilah. Mais les savants font la différence entre le jaza ou l'ijza. C'est difficile à expliquer en français, mais en arabe, il y a cette nuance entre le jaza et l'ijza. Naam, viendra un temps où l'un de nous qui va s'agripper à un din, à son din, aura naam, l'avantage de 50 naam, des sahaba radiallahu ta'ala anhu. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, Allah yarhamo. Authentifié par Cheikh Al-Albani, Allah yarhamo. C'est-à-dire que c'est dire à quel point, yani, auront les gens, yani, les récompenses quand ils vont tenir en leur religion. C'est-à-dire c'est montrer qu'il va venir des moments très très difficiles, très difficiles. Ou si quelqu'un venait à yani, s'agripper à son dîme, il aurait comme, yani, comment on dit ça en français, c'est pas l'avantage, ou là, comme disons, je sais pas comment on dit ça en français, parce que c'est difficile entre, non, mais aussi le hadith de tenir la braise, la faveur, non, comme la faveur de 50 des sahaba, tout en sachant que un seul sahaba, non, S'il donnait seulement une demi-poignée, il aurait nam des centaines de fois plus que nous. Nam. C'est pour ça que les savants disent en arabe, il y a une différence entre le jaza ou l'idza. C'est-à-dire seulement dans la faveur. Seulement dans, mais on n'aura jamais le statut d'un sahabi. Si un sahabi, un compagnon donne 1 euro, et nous on donne 1 euro, Allah Ta'ala va écrire pour le sahabi peut-être 10 000 récompenses, et pour nous, peut-être 10. Naam. Mais le hadith voulait montrer que viendra des moments vraiment difficiles pour les gens qui vont s'agripper à l'islam. Mais s'ils vont s'agripper, pour les exhorter à ce qu'ils s'agrippent, ils auront comme yani, la faveur de 50 compagnons. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadla le suivant, inshallah. Donc, sunna 44. Posez la question, Inch'Allah. Salam alaikum. Tout à l'heure, vous avez cité le hadith lorsque les trois compagnons sont rentrés chez le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa salam n'a pas recouvert sa cuisse ou son genou. Donc, est-ce qu'il est permis d'être en short lorsqu'on le reçoit des frères chez soi ou autre? Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Avant cela, pour rester dans le même contexte, le hadith des 50 sahaba, ça me rappelle un peu, c'est un peu comme, par exemple, le hadith qui dit que si une personne va faire salat sobh dans la mosquée, et que, après avoir terminé la salat, elle reste dans son endroit, jusqu'à ce que le soleil se lève, en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, elle aura, comme la faveur de quoi? De Hajja et Umrah. Il a dit trois fois, حجي عمره حجي عمره حجي عمره كامله كامله وتامه تامه تامه. حديث رابورتي بار تلميذي لي زوتر. الالباني ادي صحيح. بون كيلكان كي فا فير صلاه الصبح سيل راس جوسكو ليفي دو سولي اون تران دو دانفوكي الله لو ميساج دو الله هادي كيلو كوا حجي عمره سي كوم سي لي حج اي عمره تامه بارفيت. Le messager d'Allah ne parle pas de ses passions. Il ne ment pas. S'il dit cette chose, c'est que cette chose sera. Mais est-ce que cela veut dire que si je vais rester dans la mosquée jusqu'à ce que le soleil se lève en train d'invoquer Allah, puisque j'ai la faveur de Hajj ou Umrah, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la peine que j'aille au Hajj et ce n'est pas la peine que j'aille au Umrah? Je vais dire, si quelqu'un me dit pourquoi tu ne vas pas au Hajj, je lui dis je suis allé au Hajj à la mosquée. Je suis resté de salat sop jusqu'au lever du soleil et voilà ce qu'a dit le messager d'Allah. Non, ça veut dire que j'ai Hajj ou Umrah dans la faveur, c'est tout. Non, mais pas dans l'acte. La même chose pour le hadith des 50 sahaba. Il te donne comme si la faveur, l'avantage non, d'un travail de 50 sahaba. Mais ce n'est pas comme eux vraiment. Non, c'est la même chose comme le hajj et la umrah que tu as si tu restes à la mosquée. Non, tu as la faveur, mais ce n'est pas comme celui qui va au hajj et celui qui va à la umrah. Non, c'est à peu près comme ça. Taïb, maintenant on revient à la question du paltok. Il faudrait que je relise un peu en haut parce que j'ai oublié c'était quoi la question. Ouais, non, en ce qui concerne la cuisse ou bien le genou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut recevoir des frères si on est dans cette tenue? On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses à dire ici. Ou bien cette chose est une particularité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a un hadith Hassan qui se trouve dans Fath al-Bari, Ibn Hajj al-Asqalani a dit hadith Hassan, où le messager d'Allah, et le, je l'ai lu aussi chez Sheikh al-Albani, où le messager d'Allah a dit alayhi wa sallam, qu'il était comme notre père. Comme ses épouses sont nos mères, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi comme notre père. Et ton père, c'est sûr que s'il montrait un peu de sa cuisse, que ce n'est pas interdit par rapport à toi, qui est son fils. Non. La deuxième des choses qu'on pourrait dire aussi, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un qui découvrait un peu sa cuisse, il lui a dit, cache ta cuisse. Ne sais-tu pas que la cuisse est awra? Donc nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que nous a dit le messager de l'Allah sallam de faire et ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Ici, il nous a dit de ne pas découvrir notre cuisse. Et il est possible que ce hadith soit venu après ce qui s'est passé entre le messager d'Allah et Abu Bakr et Othman et Omar. Donc, s'il serait venu après, il l'aurait abrogé bi'idhn azza wa jal. Donc, le plus sûr pour nous, c'est quoi? C'est de ne pas montrer ce qui dépasse le genou, même par rapport à un homme, bi'idhnillah azza wa jal. Donc on ne montre pas nos cuisses, seulement on les montre aux personnes qui nous sont permises, comme nos femmes. Naam. Atfadl, inshallah, le suivant. Naam, donc on revient à Khattab. Donc la question c'est Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi le hadith que vous avez cité que la majorité de ma communauté ne se réunira pas sur une erreur et les salafis nous sommes minoritaires aujourd'hui? Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, le fait que les salafis soient minoritaires aujourd'hui, cela ne veut pas dire obligatoirement qu'ils le seront toujours. Qu'ils seront toujours minoritaires jusqu'à la fin du monde. Mais il est possible qu'il y ait des périodes comme ça, hein, où le dîn est faible, où l'islam n'est pas connu par beaucoup de gens. L'islam, yani, c'est les autres sectes qui ont propagé leur fausse aqida, leur fausse doctrine, etc. Et le vrai islam, nam, est devenu un peu yani, caché, c'est-à-dire n'est, est devenu pas connu, pas très connu par tout le monde. Donc, cela ne veut pas dire que s'ils sont minoritaires aujourd'hui, qu'ils le seront toujours. Deuxièmement, si on supposait qu'ils sont minoritaires aujourd'hui et qu'ils resteront toujours minoritaires, on va dire, justement, la sunna d'Allah, c'est que c'est la minorité qui est la plus aimée par Allah Azzawajal. Car Allah Ta'ala a cité dans beaucoup de versets que la plupart des gens étaient déségarés. وَأَنَّ أَكْتَرَكُمْ فَسِقُونَ. Il a dit, wa in tuti akthar man fil ard yudilluka an sabilillah. Non, il a dit, wa in akthar an-nas la ya'lamun. La plupart des gens ne savent pas, la plupart des gens sont des pervers, la plupart des gens sont des injustes, et comme ça. Ça, ce sont des versets dans le Coran. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit bien, dans un hadith authentique, il a dit que, yani, l'islam a commencé gharib, je ne sais pas comment on dit en français gharib, et il deviendra encore une fois gharib. Et Touba lil ghuraba, étrange. L'islam a commencé étrange et viendra encore une fois, il redeviendra étrange. Et Touba, yani Touba, c'est un arbre au paradis, yani spécialement, yani le messager d'Allah fait des éloges de ceux qui sont étrangers en cette époque-là. Donc, toi, mon frère ou ma soeur, ne te chagrine pas si tu es, ou là tu vois que tu es minoritaire, mais plutôt, yani, sois gai et heureux, le fait de savoir que tu es sur le vrai minhaj. À quoi ça sert qu'on soit nombreux et qu'on soit dans le fou? Allah Ta'ala dit, وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةٍ كَثِيرَةٍ بِذْنِ اللَّهِ. Et combien de petits groupes, un petit groupe, a triomphé sur de grands groupes, et comme ça. Naam. Voilà, inshallah Ta'ala, la réponse. Naam. Wallahu Ta'ala alam. Tfadhal, suivant. Donc on passe à Oum Younes Saad. Salam alaykoum Cheikh. J'ai lu que le soleil et la lune étaient destinés à l'enfer, car les gens les ont adorés. Dois-je comprendre qu'ils, entre parenthèses, le soleil et la lune, ont approuvé cette adoration? Est-il permis de se poser ce genre de questions? Barakallahu fikoum Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il est possible de poser ce genre de questions si on veut comprendre, si on veut bien comprendre pour avoir le cœur apaisé et éloigné des les questions, yani, les questions embarrassantes qui nous viennent à l'esprit et les ambiguïtés. Non, il est possible de poser une question pareille. Allah Ta'ala va jeter le jour de la résurrection, non, va jeter la lune et le soleil en enfer. Pourquoi? Pour montrer aux kuffar que si vraiment ceux-là étaient quoi? Étaient des dieux, comme vous le prétendiez, alors comment en enfer? Le dieu, c'est lui qui fait rentrer les gens en enfer. Et ce n'est pas celui qui est jeté en enfer. Donc ce jour-là, quand ils verront le soleil, à qui, yani, qu'il adorait, la lune qu'il adorait, et ils attendent qu'il les sauve, et voilà que eux-mêmes sont jetés en enfer. Alors, yani, c'est pour les acculer, afin qu'ils reconnaissent leur grave faute et leur grave erreur. Sinon, le soleil et la lune, bien sûr, ne sentiront rien quand ils seront jetés en enfer, parce que ce sont pas comme nous, yani, qui avons une âme à qui on peut faire mal et laquelle on peut brûler. Et je crois que le hadith a dit qu'ils seront sous une forme de taureau. Si j'ai une bonne mémoire, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, je viens de me rappeler que pour les deux questions qui m'ont été posées la fois passée, en ce qui concerne la question de la hijra, le hadith de la hijra, j'ai cherché partout s'il y avait des intérêts sur son explication, je n'ai rien trouvé. À part que tout le monde doit faire la hijra, sauf celui qui est excusé. Amen. Et pour le deuxième hadith, est-ce qu'il y avait un délit, on serait ressuscité d'après, yani, comment on dit, d'après la façon dont on est mort. Et j'ai dit que non, on serait ainsi. Mais je vous ai cherché le délit, je l'ai trouvé, ça, il se trouve dans Sahih Muslim qui vient après Sahih Bukhari, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, bien sûr, j'ai dit que c'était authentique, il a dit, يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. C'est-à-dire que chaque personne sera ressuscité, hein, d'après la façon dont elle est morte. Si elle est morte en train de faire la zina, elle viendra chez Allah Ta'ala en train de faire la zina. Si elle est en train de morte avec une bouteille d'alcool dans la main, elle viendra avec une bouteille d'alcool dans la main et comme ça. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous fasse mourir dans une protestation, une prosternation. Une prosternation ou bien un jour de jeûne. Ou bien un jour de jeûne. D'ailleurs, ça me rappelle un hadith authentique rapporté par Ahmed, rahimahullah, et authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Sahih al-Jami', où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si Allah Ta'ala veut du bien à une personne, il l'emmiel. Il l'emmiel, il le remplit de miel. Les sahaba ont dit, radiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, comment va-t-il l'emmieler? Comment va-t-il lui mettre du miel? Comment Allah Ta'ala va-t-il lui mettre du miel? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, yani ce n'est pas ça le sens, il a dit, cela veut dire que Allah Ta'ala va le pousser, l'inciter à ce qu'il fasse une bonne œuvre. Et ensuite, Allah Ta'ala lui prendra son âme pendant cette bonne œuvre. C'est-à-dire, si Allah Ta'ala te veut du bien, il va t'inciter à ce que, par exemple, demain, tu jeûnes. Tu vas dire, demain, je vais jeûner, fissabillah. Et vers midi ou vers 9h du matin, ou là, il envoie Malik al-Maut, il envoie l'ange de la mort et il prend ton âme. Il prend ton âme alors que tu jeûnais, fissabillah. Et entre quelqu'un qui est mort en jeûnant un jour, fissabillah, et quelqu'un qui est mort dans un bar, croyez-moi, il y a une grande différence. Hein, il y a une grande différence que Allah Azza wa Jal nous emmiel tous et toutes. Inch'Allah, le suivant. Donc c'est Medine 84. Assalamu alaikum, Cheikh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que tout le monde passera par l'enfer. Est-ce que cela veut dire que les musulmans de la sunna de Al est-ce que cela veut dire que Al-Sunna wal-Jama'a vont passer par l'enfer, les savants, les compagnons, etc. Fadashir. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En effet, c'est comme a dit Médine 84. Il n'y a pas une personne, à commencer par les prophètes et les messagers d'Allah, qui sont les créatures les plus proches d'Allah et les plus aimées de lui, il n'y a pas une personne qui ne passera pas par l'enfer. Mais, que veut dire passer par l'enfer? Cela veut dire chez Al-Sunna al-Jama'a, passer sur le pont de Sirat, alors que l'enfer est au-dessous. Si quelqu'un tombait du Sirat, et beaucoup tomberont, que Allah Ta'ala nous préserve, beaucoup tomberont, s'ils tombent, ils vont tomber en enfer. Et Allah Ta'ala va laisser là-bas les kuffars en enfer, et Naam, les autres, il va les aider pour qu'ils ne tombent pas, mais qu'ils soient seulement blessés, ou bien égratignés, ou bien ils passent directement, comme le vent, comme l'éclair, comme le cheval qui court, qui galope, et comme ça, d'après le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucune personne qui ne passera pas sur le pont pour qu'elle soit au-dessus de l'enfer, pour qu'elle voit l'enfer, et aller à sa droite, à sa gauche, et qu'elle ait vraiment peur de tomber. C'est une épreuve, naam, dont même les messagers ne seront pas acceptés. Naam. Tfadl, inshallah ta'ala. Kullah, tfadl. Sana, ça va, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakallah, vous avez dit dans le cours que les califes sont les gouverneurs dans chaque pays. Alors les musulmans qui vivent dans les pays de Kufr, comme la France, qui est ce califat? Quel est le califat de ces musulmans? Barakallahu fikoum. Tafadhal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Justement, le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que toute personne qui reste une nuit, sans avoir fait l'allégeance à un califat, si elle meurt, elle meurt une mort de jahiliya. Non, le hadith, Il est authentique chez le Bukhari et les autres. C'est pour ça la gravité de celui qui, quoi, qui habite dans un pays de kuffar. La gravité de quelqu'un qui habite dans un pays de kuffar, parce qu'il n'y a pas de califat, il n'y a pas de musulman, le gouvernement musulman. C'est pour ça que on doit faire vite pour aller, y aller dans un pays où il y a le califat musulman, pour qu'il soit notre califat. C'est pour ça que celui qui est dans un pays de Koufa devrait, au moins avec sa niya, s'il est algérien, dire que, par exemple, mon califat, c'est, par exemple, Bouteflika. S'il est marocain, dire Mohamed VI. Et comme ça, d'après le pays où il a ses origines et où il a l'intention d'y aller. Bi-idhnillahi azza wa jal. Naam. Wallahu azza wa jal a'lam. اتفضل للسويفون. السلام عليكم يا شيخ، حياكم الله وجزاكم الله خيرا pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins qui travaillent avec vous. Une personne est prise constamment de WSOS quand elle veut accomplir une bonne œuvre en public. Elle pense à chaque fois de le faire Elle pense à chaque fois de le faire pour recherche d'éloges ou un profit quelconque. Doit-elle délaisser l'accomplissement de l'œuvre ou ne pas tenir compte de ses pensées? Et l'ostentation peut-elle se manifester quand on est seul, car même dans ces moments, elle pense faire des œuvres pour elle-même sans réel ou total ikhlas. Barakallahu fikum wa habbukum fillah. Tfadal cheikh. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les waswas, naam, n'arrêteront pas de nous faire des problèmes jusqu'au jour de la résurrection. Et que la personne qui a des waswas, naam, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mukhlissa. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, on lui a dit, les juifs prétendent qu'ils n'ont pas de waswas. Il a dit justement, que va faire le shaitan dans le cœur des juifs, dans un cœur, il y a un cœur plein d'innovation, plein de shirk, plein de ceci. Non. Il a dit que le shaitan irait vers un cœur de musulman, un cœur où il y a le tawhid, pour essayer de l'ébranler, pour essayer de lui faire des bâtons dans les roues pour lui poser des problèmes. Naam. C'est pour ça que quand on veut faire une chose en public, si on sent qu'en la faisant, les autres gens, ça va les inciter à la faire, etc., ça devient encore mieux que que de la faire seul. Comme des fois quelqu'un qui sort quelque chose, ficelle, pour que les gens se réveillent, que les gens limitent, comme c'est dans le hadith sahih de l'homme qui a sorti une gourde comme ça, plein d'argent dans la mosquée, qui a commencé à la distribuer. Messager d'Allah a dit que, yani, que quiconque fait un bien ou la yani, montre aux gens un bien, yani, il a la même récompense que ce qui limite ou quelque chose comme ça. Non. Mais si c'est une chose vraiment de l'ostentation et que je veux dire à mon nefs, puisque tu es comme ça, non, et je ne vais pas faire cette chose devant le monde, mais en tête à tête, enfin seul. Et maintenant, la personne dit à la fin, et même des fois quand elle l'a fait seule, elle sent que vraiment ce n'est pas pour Allah, etc. Non. On dit que ça. Non, ce n'est pas vrai en ce sens. Comment que ça veut dire ce n'est pas vrai en ce sens? C'est-à-dire que le shaitan qui va nous dire tu n'es pas mukhlis, etc., on lui dit tu es menteur. Car celui qui n'est pas sincère ne fait jamais la chose quand il est seul. Imaginez qu'un hypocrite, par exemple, quand il est seul à la maison, non, il va lire le Coran et faire la prière la nuit. C'est pas possible. Mais le shaitan veut quoi? Peut se parler à que tu ne prennes pas, yani la grande récompense et la récompense parfaite, naam, il veut t'ébranler, il veut. C'est impossible que quelqu'un fasse une chose seul dans une pièce, il ferme la pièce et il fasse la prière de la nuit, elle n'est pas pour Allah. C'est impossible. Mais ce qui est possible, c'est que notre foi est faible. On ne sent pas, yani, la grande joie de la faire pour Allah. Parce qu'on est faible deux fois, des fois, naam. Des fois, on est faim. C'est comme si on a le cœur un peu chagriné, le cœur un peu blessé, le cœur. On sent la faim pour Allah. Naam. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pour Allah, elle est pour lui. Mais nous, on ne sent pas, à cause de, on n'a pas la douceur de la foi, c'est tout. Il y a une grande différence entre les deux. Et loin de toi et de nous, tous les oswes. Et accepte de toi tout ce que tu fais pour lui. Amen. Tfadal, le suivant. Salam alaikum tout le monde. Cheikh, ahyakum Allah. Je voudrais savoir si vous avez fait la recherche concernant le hadith qui commence par Kullu muslim a'la muslim muharram. Ahwan nasaran. Jusqu'à la fin du hadith. Barakallahu fikoum. Désolé si vous parliez de ce hadith juste avant. Sinon, quelles sont les conditions? C'est juste une question par personne. En fait, voilà, donc on va rester sur la première question. Inch'Allah. Walaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Je crois que le frère n'était pas avec nous, car ça fait seulement quelques minutes. J'ai dit que ce hadith, j'ai bien cherché son explication, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé seulement l'apparence, c'est-à-dire que tout le monde devait faire la hijra, sauf celui qui avait des excuses, etc. Non. Tayeb, maintenant on passe, inchallah ta'ala, à l'autre question. Quelles sont les conditions reconnaître un pays d'islam d'un pays de coffre? Y a-t-il un rapport avec le gouvernement? Justement, comment reconnaître un pays de coffre d'un pays musulman? Il y a une divergence ici. Certains ont dit le pays musulman, c'est le pays où il était permis de faire quoi? De faire yani, des adorations apparentes sans qu'on te gêne et sans que on ne te l'interdise. Et c'est pour ça que certains donnent beaucoup d'importance au Eden. Ils disent qu'il faut que ce soit un pays où il y a l'Eden. Mais ce qui est faux, ce sont ceux, c'est-à-dire le dogme des Tekfiriyin, qui disent que s'il n'y a pas la charia, ce n'est pas un pays musulman. Et le dogme des chiites, qui disent que s'il n'y a pas le califat, ce n'est pas un pays musulman, et on ne peut même pas faire salat al-Jumu'ah. Vous savez que les chiites ne font pas salat al-Jumu'ah. Ils font salat al-Dhuhr, ils la joignent avec salat al-Asr. Salat al-Dhuhr et Salat al-Asr, les deux groupés. Ils disent pourquoi? Ils disent il n'y a pas de khalifa. Tant qu'il n'y a pas de khalifa, nous ne sommes pas dans un pays musulman. Puisqu'on n'est pas dans un pays musulman, on ne va pas faire la Jumu'ah. La Jumu'ah, on ne la fait pas dans un pays de kuffar. Et ça, bien sûr, ils sont plus égarés, comme a dit Taymiyyah, que leur âne, que l'âne de la maison. L'âne de la maison, c'est c'est-à-dire qu'il est plus guidé que Naam. Inch'Allah, le suivant. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikh. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Ma question, est-ce que ce prétendre salafi ne favorise-t-il pas le jugement, ne favorise-t-il pas justement la division, car cela met des barrières avec les autres et catégorise la personne avant même qu'elle ne parle, barakallahu fik. Et aussi, pourquoi Cheikh Al-Utaymin dit dans une cassette, éloigne-toi de la secte des salafis et adhère à la sunna du messager d'Allah. Vous avez dit qu'il parlait des comportements sectaires. Pouvez-vous nous donner plus d'informations et d'exemples, inshallah? J'ai parlé de ça, alaykoum salam, wa barakatuh. J'ai parlé de cette chose plusieurs fois, inna azawj. Et j'avais dit que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est d'être musulman, inna ta'ala, c'est d'être croyant, c'est de ne pas être kafir. Naam. Et que j'ai dit aussi, ma, une phrase très célèbre, que, oh, combien de gens disent, nous sommes salafis et ne le sont pas. Et combien de gens ne disent pas cette phrase et le sont. Combien de gens disent, je suis salafi, il n'y a que moi le salafi, et qu'en fin de compte, il ne l'est pas, c'est pas vrai. Et beaucoup de gens n'ont jamais dit je suis salafi, ils le sont. Ils ont le minhaj salafi, aqida salafiya, l'apparence salafiya, tout salafi. Al-Muhim. Mais, si on disait seulement, c'est-à-dire je suis musulman, seulement, non, mais on s'arrêtait là tout court, et que maintenant il y a des sectes qui sont apparues. L'autre il va dire il y a les Ikhwan Muslimoun. L'autre il va dire il y a les Asha'ira. L'autre va dire il y a les Soufis. L'autre va dire il y a les Chiites. L'autre va dire il y a les Mu'tazila. Et chacun va dire, c'est nous les vrais. C'est nous, Al-Sunna al-Jama'a. C'est nous, Naam, qui sommes yani, prioritaires et qui sommes sur le vrai, etc. Naam. Là, on sera obligé de dire, nous avons tous un point commun, nous sommes tous musulmans, mais quand vous avez dit que vous êtes ceci, cela, nous on va vous dire aussi que nous sommes Al-Sunna al-Jama'a. Mais le malheur, les autres aussi vont dire, nous aussi, nous sommes Al-Sunna ou Al-Jama'a. Naam. Là, on va dire, Al-Sunna ou Al-Jama'a, ce sont ceux qui ont compris ce dîme d'après les plus prédécesseurs, Salaf Salah. Alors que vous ne suivez pas Salaf Salah. Vous suivez les autres, vous suivez ceux qui sont venus après. Quant à Cheikh Ibn Uthaymeen, l'armo, quand il a dit, il ne faut pas suivre les Salafis ou là, quelque chose comme ça, il faut dire ça dans le contexte. Il n'a pas écrit comme ça dans son livre, il ne faut pas suivre les salafis. Il parlait, Naam, de ceux qui disaient, par exemple, il faut avoir un parti. Naam. Et il a cité les frères musulmans, etc. Ensuite, il a dit, même les salafis, Naam, s'ils sont vraiment chauvins au point de dire, il faut, Naam, il faut un parti comme ça. Des salafis, il a dit, ceux-là, il ne faut pas les suivre. Il faut suivre Al-Sunna ul-Jama'a. Il y a une grande différence entre le salafi, qui est salafi seulement yani, de aqida, de minhaj, d'apparence, et le salafi qui dit, Naam, il faut yani, avoir un parti. Comme les autres ont des partis, nous aussi, il faut le parti des salafiyins. Et quiconque n'est pas dans notre parti, il sera au feu. Cela, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il ne faut pas suivre cela, Naam. Car, Al-Sunna al-Jama'a n'ont pas fait ainsi. C'est cette chose même yani, est une innovation. Naam. والله عز وجل أعلم أتفضل suivant. On passe sur une speak inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai lu dans un livre intitulé Le Paradis que les habitants du paradis auront tous la même apparence. Je voudrais savoir si c'est aussi le cas pour les gens de l'enfer et s'ils auront le même aspect que les gens du paradis. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. S'il veut dire par le même apparence, ou la même apparence, qu'ils seront tous, yani, d'une taille de 30 mètres, naam, et qu'ils seront tous beaux, etc., ça c'est vrai. Mais s'il veut dire qu'ils auront tous la même apparence, c'est-à-dire qu'ils ont tous le même visage, la même couleur des yeux, le même nez, etc. Naam, il n'y a pas quelque chose en ce sens. Mais ils seront, chacun de la Ta'ala sera le créa d'une façon yani, propre à lui. Une belle façon propre à lui, parce que les gens aussi dans le paradis se rencontrent, ils se rendent visite, ils se reconnaissent. S'ils se ressemblent tous, yani, donc On ne pourra pas savoir qui est X et qui est Y. Non, mais s'il veut dire que ils seront tous, bien, ils auront 30 mètres de hauteur, par exemple, ça, c'est un hadith authentique. Ils auront la taille de Adam, alayhi salam, 30 mètres de hauteur. Quant au kuffar, non, c'est la même chose. Chaque kafir qui était dans ce monde, non, viendra le jour de la résurrection, yani, sa dent seulement sera grande comme la montagne de Uhud. Et quand il s'assoit seulement en enfer, car en enfer ils seront assis, quand il s'assoit, la place qu'il va prendre pour s'asseoir sera d'une distance de 500 km, ou bien 600. Il a dit, alayhi sallam, comme entre la Mecque et Médine. Le kafir. Imaginez le kafir. Imaginez, pardon du mot que je vais dire, imaginez, yani, son derrière. Combien qu'il fait? Yani, lui, il faut une place pour qu'il s'assied, lui, il faut 600 km pour qu'il s'assoie. Nous, on s'assoit sur, je ne sais pas, peut-être 30 cm. Et lui, il lui faut 600 km pour qu'il s'assoie. Et sa dent, elle est comme une montagne. Donc, comment que c'est vraiment un géant, vraiment un cyclope, hein? Dites ce que vous voulez. Pourquoi? Quelle est la sagesse derrière cela? La sagesse, c'est que Jahannam, hein, est tellement grande et tellement brûlante qu'il lui faudrait des monstres. Car si Allah Ta'ala va faire entrer dans l'enfer des gens de notre taille, 1 m 50, 1 m 60, 1 m 65, 1 m 70, celui-là, avant d'arriver en enfer, à 1000 km, il va fondre. Il va rien rester de lui. Comment se fait-il qu'il rentre alors en enfer? Il ne peut pas entrer en enfer. Il va fondre à 1000 km avant d'arriver aux 10 000. Mais il faudrait que ça soit de la graisse, de la graisse, de la graisse, de la chair, de la chair, de la graisse, des milliers de tonnes pour qu'il puisse être jeté en enfer. Allah Ta'ala nous préserve. Fadwa le suivant. On passe à Kaloun, Inch'Allah, le temps que Minhajul Haq prépare sa question. Je vous ai retiré le raid, Kaloun. Salam alaikum. Nous entendons souvent qu'il n'existe pas de divergence dans la croyance et pourtant les compagnons ont divergé sur certains points de la croyance. La vision d'Allah durant l'ascension nocturne, Isra et Mi'raj. Autre question que nous savons que Iblis a choisi l'égarement à l'obéissance et il entrera en enfer, mais pourquoi sa descendance est condamnée à l'enfer, n'ont-ils pas le libre arbitre? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Les savants, quand ils disent que il n'y a pas de divergence entre les savants dans la Aqida, ça veut dire en ce sens que, c'est-à-dire que en ce sens que, si tu prenais de l'autre avis, non, tu serais fautif et tu serais en enfer. Non, tu serais fautif, tu serais pécheur et tu serais en enfer. Alors que tout le monde sait que, si tu prends de l'avis que le messager d'Allah a vu pendant l'ascension, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien tu prends de l'avis qui dit qu'il ne l'a pas vu, hein, dans les deux cas, tu n'aurais pas de péché. Dans les deux cas, tu n'aurais pas de péché, encore moins, tu ne serais en enfer. Non. Mais il n'y a pas de divergence dans usul-din, dans les choses qui font que, si on ne prend pas cet avis, on devient par exemple kafir. Bien, si on prend l'autre deuxième avis, on devient kafir, ou bien on a des péchés demain devant Allah subhanahu azzawajal. En ce qui concerne Iblis, il n'y a rien. Non? Je en français, on dit cela. Être d'accord sur le fond, pas sur la forme. Non, non, c'est cela. En ce qui concerne Iblis, il n'y a rien en islam qui dise que. Non, qui disent, comme a dit la personne ici, qu'est-ce qu'elle a dit ici? Qui disent que sa descendance est condamnée à l'enfer. Non. Ça, c'est chez les chrétiens. Qui disent que, non, quand Adam a fait la faute, toute la progéniture, toute sa progéniture va payer. Va payer. Et que les enfants naissent avec quoi? Avec le péché. Ils appellent ça, j'ai oublié comment ils appellent ça les chrétiens. Je crois le péché capital ou la faute, ou bien la faute capitale, quelque chose comme ça. Alhamdoulilah. Chez nous en islam, il n'y a pas cela. En islam, le messager d'Allah a dit, Kullu mawloudin yulid al-fitra. Le péché originel, c'est ça. Chez nous en islam, le messager d'Allah a dit, chaque bébé qui naît, naît al-fitra. Al-fitra, c'est-à-dire musulman. Non, il n'est pas pécheur. Et le messager d'Allah a dit que la plume est levée sur trois personnes, la plume n'écrit pas. Entre autres, il a dit sur l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. En islam, quand un bébé naît, il est né, ça fait un jour qu'il est né, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, jusqu'à à peu près 13, 14, 15 ans, ou bien chez la fille jusqu'à 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça dépend, pendant toutes ces années. S'il insultait Allah du matin au soir, il insultait le Seigneur, il n'aurait pas fait de péché. S'il volait tout le monde, on ne lui couperait pas sa main. Non. S'il tuait tout le monde, on ne le tuerait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pubère. Bien sûr, on va l'éduquer, on va le frapper, on va le gronder, mais jamais on va appliquer sur lui la loi du talion. Ni on va dire qu'il a des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi alors il est dit dans le Coran, prenez le Iblis et la zin comme ennemi. Et justement, on le prend comme ennemi parce qu'il a voulu et il a juré devant Allah ta'ala qu'il allait tous nous égarer. Alors Allah ta'ala nous dit attention. Il a dit, la ruyinnahum ajma'in. Il a dit devant Allah ta'ala qu'il voulait tous nous égarer. Allah Ta'ala nous a dit, attention, vous avez écouté Iblis ce qu'il a dit, vous l'avez lu dans le Coran. Il veut tous que vous alliez avec lui en enfer. Alors prenez-le comme ennemi et combattez-le pour qu'il ne vous fasse pas rentrer en enfer et pour qu'il ne soit pas votre cause pour rentrer en enfer. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Fadla Inch'Allah le suivi. Yanni, j'aimerais apporter une précision par rapport à la question de Kaloun. En fait, ce qui le dérangeait dans le verset, c'était prenez-le Iblis et sa descendance. En fait, c'est et sa descendance comme ennemi. En fait, je crois que Kaloun, il a compris que c'était toute la descendance de Iblis. Donc, je vous relaisse le micro, Inch'Allah, pour lui expliquer. En fait, je ne connais pas un ennemi, Afwan. Je ne connais pas un ennemi. Je ne connais pas un verset où Allah Ta'ala parlait de sa descendance qu'il voulait dire nous. Mais sa descendance, c'est-à-dire sa progéniture, ses enfants. Et les enfants d'Iblis, ce sont des Iblis. Les enfants des Shayatin, ce sont qui? Ce sont des Shayatin. Maintenant, si ce ne sont pas des Shayatin eux-mêmes, et ce sont des humains, alors ce sont des humains qui ont voulu le suivre. Et toute personne qui a voulu suivre Iblis, elle est de sa descendance. C'est pour ça que Allah Ta'ala, par exemple, a dit dans le Coran, il a dit, ne gaspillez pas votre argent, car le gaspilleur est le frère du shaitan. Si tu gaspilles, tu deviens son frère. Si tu fais des choses plus graves que le gaspillage, tu deviens son fils. Et comme ça. Et on devient de sa descendance. Toute personne, n'âme, qui ne veut pas suivre le chemin d'Allah et qui incite les gens à ne pas le suivre et à suivre le chemin opposé est un descendant de Iblis. Celui-là, je dois le prendre comme ennemi et je dois le combattre. En le combattant, j'ai des récompenses. Naam. Et si je le prends comme allié et je l'aime, j'ai des péchés. Parce que j'ai aimé un ennemi d'Allah ou bien j'ai combattu un allié d'Allah Azzawajal. Non, تفضل. Si c'est pas clair, j'explique encore. Alhamdoulilah, on a du temps. تفضل. Cher, moi j'aimerais, Inch'Allah, poser une question par rapport à cette question. C'est est-ce que c'est vrai qu'il y a certains savants qui ont dit que toute personne qui a été désobéissante envers Allah Azzawajal, c'était un taroute? J'aimerais savoir si c'est vrai cela. Non, cette chose n'est pas vraie. Cette chose n'est pas vraie. Un taoud, c'est quelqu'un qui exagère. Il a dépassé les limites dans la désobéissance. C'est pas n'importe qui fait les péchés, c'est un taoud. Mais celui qui a dit ça, c'est un taoud. Celui qui a dit une phrase comme ça, c'est un taoud parce qu'il a exagéré. Il a exagéré. Toute chose, si elle exagère, elle devient un taoud. Elle dépasse les limites. Non. Voilà, ça fait rire cette chose. Non. Tfadl, le suivant. Salam alaikum, Cheikhouna, c'est Abou Marwan. Et juste encore une question pour rester dans la même question, et comme ça, Inch'Allah, vous allez nous confirmer. Est-ce que c'est vrai que Iblis, quand il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, il est devenu un mécréant? Et quand il a dit je vais tous les égarer, il est devenu un taroute? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est correct? Barakallahu fikoum. En fait, pour dire la vérité, je n'ai jamais lu cette chose ou bien entendu. Non, mais ça paraît assez logique. Mais Allahu ta'ala alam, je dis Allahu alam parce que je n'ai jamais lu ça ou bien entendu. Non. Tfadl. Si vous êtes avec nous, vous pouvez poser votre question, sinon on passe à Toulpia, Inch'Allah. Donc Toulpia, je vous ai retiré le raid, vous pouvez poser votre question. Ok, Inch'Allah. J'attends que tu la poses alors. Salam alaikum. Où va l'âme de celui qui est dans le coma depuis très longtemps et de ceux qui ont témoigné parmi les gens qui ont vu la mort? C'est-à-dire, les médecins ont fait le diagnostic et déclaré le corps mort. Le cœur ne bat plus. Et que ces personnes qui sont revenues à la vie témoignent que leur âme était dans un endroit passé, un tunnel, et au bout de ce tunnel, il y avait une lumière, etc. Qu'ils sentaient à ce moment de l'amour de cette lumière, etc. Bref, des gens qui ont vu, après leur fausse mort, un autre monde. Pouvons-nous dire que ces gens-là étaient simplement dans un rêve, parce qu'en islam, le sommeil, c'est la petite mort? Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. Écriture numéro 1, alhamdoulilah taliban, zidn ta Abou Marwan. Alhamdoulilah. Exactement. Exactement et absolument. Il faut dire que ils étaient seulement dans le rêve. Ils étaient seulement dans un rêve ou dans un cauchemar. Quelque chose pareil. Non. Mais jamais, jamais, jamais, jamais, je dis cette fois, jamais, jamais, jamais, jamais, ils ne sont morts véritablement et sont revenus à la vie. Il est impossible qu'une chose pareille arrive, sauf celle ou sauf les cas où Allah Ta'ala a cité qu'il a ressuscité, par exemple, comme ceux qui sont morts avec Uzair, il a ressuscité l'âne, il a ressuscité, non, et comme ça, ou bien ceux que Isa alayhi salam a ressuscité avec la volonté d'Allah, et comme ça. Ou bien Moussa, celui que Moussa a frappé avec la cuisse de la vache, il a été ressuscité comme ça. Sinon, il n'y a jamais une personne qui meurt et ressuscite dans cette vie. Donc on va dire que celui qui est dans le coma, etc., il est seulement dans les rêves. De rêve, un rêve profond, un rêve très très profond. On essaye de le réveiller, on ne peut pas. Mais, Allah Ta'ala sait dans quel genre de rêve exactement il est. Il y a le rêve profond, le rêve de la mort, le rêve de je ne sais pas quoi. Mais il n'est jamais mort. Il n'est jamais mort complètement. Non. Il est mort peut-être cliniquement, peut-être je ne sais pas comment. Mais non, il n'est pas mort, la vraie mort. C'est impossible qu'une personne meure et ressuscite. Non. Donc ce qu'on dit qu'ils ont vu le tunnel et ses ressorts, c'est tout ça, c'est dans les rêves. Non. Wa fiki barakallah. Tfadl, le suivant. Chir, j'ai la question de... Naam, Chir Saïmen. Chir, j'ai la question de Al-Istiqama, Inch'Allah, je vais la poser. Assalamu alaikum, ahyakum Allah, Chir. Si une personne entend qu'une famille est dans le besoin et qu'elle n'a pas l'intention d'aider car elle a des dépenses à faire, mais par la suite, ces gens gênés vis-à-vis d'eux et de ne pas pouvoir aider, donc elle finit par le faire. Est-ce que son acte est pour Allah ou pour plaire à cette famille? Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Franchement, yani, des fois certaines questions sont yani, difficiles à répondre en ce sens que c'est une chose que seul Allah et la personne elle-même qui pose la question peuvent connaître. Ah, moi qui suis un étranger, comment puis-je connaître quelle est la niya qui l'a poussée à ce qu'elle veuille ensuite donner pour cette famille? Non, sans fonction de ses intentions, ça. Est-ce que ensuite, elle a senti comme ça un petit remords devant Allah Ta'ala, qu'elle ait changé de niya et qu'elle n'ait pas donné, elle a dit alors, il faut que je donne, non, et ça c'est pour Allah Azzawajal. Ou bien seulement comme ça, yani par compassion, par je ne sais pas, par pitié ou là, elle a dit je vais donner un peu d'argent à cela. Donc c'est seule la personne, bi'idna azzawajal, et avant elle, Allah azzawajal, qui savent sur quelle intention elle s'est basée pour redonner à qui? À cette famille. Mais j'espère que, inshallah ta'ala, dans tous les cas, inshallah ta'ala, qu'il y a toujours la niyya de pour Allah. J'espère, pour le musulman en général, que quand il fait une chose, il y a toujours, même si c'est en filigrane, quelque chose qu'on voit en derrière, c'est toujours l'idée ou la niya de donner pour Allah Azzawajal et pour avoir des récompenses. Mais des fois, la niya, l'intention, est vraiment forte et elle est là, visible, et des fois, elle est cachée, elle est faible. C'est pour ça que des fois, on a des problèmes. Mais déjà, le fait de penser comme ça, Inch'Allah Ta'ala, demande à Allah Azzawajal de récompenser cette personne. Naam. Et tfadl, cher. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je souhaiterais savoir, concernant al-tawhid asma wa sifat, qu'en est-il des attributs cités dans la doua du voyageur? Anta sahibu fi safari wa kahlifatu fi ahlihi. Comment considérer ces qualificatifs? Sahibu Harifa, barakallahu fikoum. Désolé pour mon arabe. Naam, Inch'Allah ta'ala pour que ça soit mieux, parce que les questions, comme vous savez, sont enregistrées et ensuite il y a des gens qui écoutent les cassettes et les cours en différé. Je conseille, à chaque fois qu'il y a une question où c'est en arabe, où il y a des mots en arabe à dire, de donner la parole à quelqu'un qui sait lire en arabe. Comme ça, pour que celui qui écoute la question en différé la comprenne, Inch'Allah ta'ala. Donc je lis la question, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je souhaiterais savoir concernant Tawhid al-Asma wa Sifat, qu'en est-il des attributs cités dans le doua, la doua du voyageur, anta sahibu fi safar ou khalifatu fil ahl. Comment considérer ces qualificatifs sahibu et khalifa? Réponse, inshallah ta'ala. Vous savez que les attributs, il y a plusieurs sortes. Une de ces sortes, c'est qu'il y a des attributs, non, qui sont annexés. Comme ici par exemple, on dit que Allah Ta'ala c'est Sahibu fil Ahl. Sahibu fil Ahl par rapport aux voyageurs. On ne dit pas seulement Sahibu. On dit Sahibu fil Ahl. Naam. Et la même chose pour le Khalifa. Les savants ont dit que quand les personnes disent que par exemple nous sommes le Khalifa, hein, beaucoup de gens nous disent nous sommes le Khalifa. Ibn Taymiyyah a montré que, et beaucoup d'autres, que, en fait, c'est Allah Ta'ala, Naam, le Khalifa. Et ce n'est pas nous le Khalifa. Pourquoi? Le Khalifa, c'est celui qui va te succéder. Et pour être Khalifa, il faudrait que la personne qui soit avant toi soit partie ou soit morte. Ou là, soit allée en voyage et toi, tu vas lui succéder. Or, Allah Ta'ala, si nous étions des khalifas, ça veut dire que Allah Ta'ala n'est plus. Et nous, on va être des khalifas à sa place. Khalifa, c'est quelqu'un, on dit en français, remplaçant. Khalifa. Or, Allah Ta'ala, c'est lui notre khalifa. C'est le contraire. C'est pas nous qui sommes son khalifa. C'est nous qui, lorsque nous sommes absents ou on va en voyage, on sera loin de notre famille, on demande à Allah Ta'ala de nous remplacer. De nous remplacer par sa gérance, par son aide et par yani le fait de gérer à notre place et comme ça. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfadhal inshallah le suivant. Abou Abderrahman, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya Sheikh, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser comme lui seul sait le faire. Amin. Ma question concerne le khalifa. Une sœur en France dit que son khalifa est le Mola Omar. Peut-elle le prendre comme khalifa, sachant que cette sœur vit en France? Ensuite, vous avez évoqué un hadith qui dit, si j'ai bien compris, que celui qui meurt dans un pays de Kufr meurt dans l'état de Jahiliya. Pouvez-vous préciser que veut dire le mot Jahiliya? Est-ce que cela veut dire qu'il meurt mécréant s'il reste en France? Est-ce que ce hadith s'applique pour tous les musulmans résidant en France? Il me semble avoir entendu que des savants ont dit que celui qui peut pratiquer sa religion en France peut y résider, Allahu a'lam. Mola Omar. Khalif. Il a même pas de pays, subhanallah. À vous, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire la vérité, je ne sais même pas qui est ce Moula Omar. J'en entends parler, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il est, si c'est un président ou là, qu'est-ce qu'il est exactement. Deuxièmement, je n'ai pas dit, alhamdoulilah, pour la France, que c'est le chef de taliban d'Afghanistan. Non, c'est le chef taliban d'Afghanistan. Le chef des talibans d'Afghanistan ne peut pas être un califat. Pourquoi? Parce que il ne règne pas, il n'a pas de pouvoir. C'est quelqu'un qui se rebelle contre le pouvoir. Contre le pouvoir. Donc, il n'a pas lui-même le pouvoir pour être un califat. Deuxièmement, alhamdoulilah, je n'ai pas dit pour la France que celui qui n'avait pas de califat, non, celui qui n'avait pas de califat, qu'il serait kafir, ou quelque chose comme ça. J'ai dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que quiconque passe une nuit sans avoir fait l'allégeance, sans avoir sur le coup l'allégeance d'un califat, s'il meurt, meurt une mort de Jahiliya. Et une mort de Jahiliya, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il va ressembler au Jahiliya à l'époque anti-islamique, où les Arabes, dans la Jahiliya avant l'islam, n'avaient pas de califat. N'avaient pas de califat. Vous comprenez? Autrefois, avant l'islam, les gens n'avaient pas de califat, c'était seulement des tribus. Des tribus, et chacun, yani, se remettait au chef de la tribu, c'est tout. Donc, il va le ressembler en ce sens. Mais on n'a pas dit qu'il mourrait kafir. Non. La sœur dit que les ulama disent que le califat, qu'il est le califat des musulmans. Les ulama qui ont dit que Moula Omar et le califat des musulmans ne sont pas des ulamas, ce sont des tekfiriyoun. Ce sont Abu Qatada de l'Angleterre et Abu Abdurrahman des États-Unis et je ne sais pas qui de Masr, les tekfiriyoun et les khawarij. Ce sont eux qui ont dit que Moula Talib, comment il s'appelle, c'est le califat. Non, il n'y a aucun alim rabbani, pas un tekfiri, qui a dit que ce moula, comment qu'il s'appelle, que c'est un califat, le califat des musulmans. La personne qui dit cela, c'est une personne qui a été trompée, dupée et leurrée par les tekfiriens et les khawarij. On l'a leurrée, on l'a dupée, on l'a trompée, on lui a dit, voilà ce qu'on dit les ulamas. Et elle a cru que ce sont des ulamas et elle dit cette chose. Il n'y a pas de alam qui a dit cette chose. Naam, tfadla inshallah, suivant. Assalamu alaikum. Il reste seulement quelques questions et ensuite c'est fini, Inch'Allah. La question de Oum Yasmine 59, Inch'Allah, que je vais faire le résumé rapidement. Assalamu alaikum, Cheikh. Une personne a fait la prière au travail pendant 5 mois en direction de la Qibla. Ensuite, elle s'est rendue compte que la direction de la Qibla n'était pas bonne, mais elle ne le savait pas. Est-ce que ces prières sont acceptées? sachant qu'elle n'était pas dans la bonne direction, que doit-elle faire? Est-ce qu'elle doit les refaire? Barakallahu fikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Elle ne doit pas refaire les salats. Elles sont acceptées, elles sont valides, en ce sens que elle a cru qu'elle était dans la qibla. Mais si elle savait qu'il y a un moyen pour discerner la qibla et elle n'a pas pris de ce moyen, dans ce cas, elle a des péchés. C'est comme si je vais passer la nuit chez quelqu'un. Et si je passe la nuit chez quelqu'un et j'ai envie de faire la prière dans la chambre où je vais dormir, chez ce quelqu'un, je ne peux pas inventer la qibla de ma tête. Il faudrait que je sache où est la qibla pour faire la prière. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Au lieu d'appeler la personne, de lui dire, Barakallahu fik, c'est où la qibla? Ou là, je prends la boussole, j'utilise la boussole, je dis non, laisse tomber, je vais choisir ma tête comme ça, et je vais faire la prière. Le lendemain, le monsieur va me dire, justement, la qibla, c'était de l'opposé où tu as fait la prière. Dans ce cas, ma prière n'est pas valide, je dois la refaire. Pourquoi? Parce que j'ai pas utilisé les moyens pour connaître la qibla, alors qu'il y avait des moyens. Mais si on est dans un endroit où il n'y a pas les moyens de connaître la qibla, et on a fait la prière, même si c'est des années, on ne la refait pas. Non, c'est au travail. S'il n'y a pas la boussole, et on n'a pas la boussole, et il n'y a pas quelqu'un qui nous montre la qibla, non, et il n'y a pas moyen pour acheter cette boussole, on ne la refait pas, bi-idhnillah azza wa jal, et elle est acceptée, inshallah. Tfadlal. Maintenant c'est au tour de maintenant c'est au tour de Ubaydallah 59. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Ma mère a allaité mon cousin en même temps que moi. De plus, elle a allaité aussi un autre cousin en même temps que mon petit frère. Je voudrais savoir si tous ces cousins sont mes frères de lait. Est-ce que je peux enlever mon voile devant eux? Barakallahu fikoum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est-ce qui a lu la question? Abou Marwan, c'est toi Abou Marwan? Ah, alhamdoulillah. Taïe, peut-être Abou Marwan a oublié que on ne parlait pas aujourd'hui d'allaitement, etc. Mais ça ne fait rien, Malik, puisqu'il a posé la question. On va y répondre, inshallah ta'ala. Je réponds à cette personne, Nam, et je demande à cette personne de me reprendre, c'est-à-dire que si je n'ai pas bien compris, et aussi de me confirmer qu'elle a bien compris. Parce que c'est vraiment difficile ces cas, et peut-être qu'elle va se dévoiler alors qu'il n'est pas permis de se dévoiler, ou bien elle va se voiler et rentrer dans l'embarras alors qu'il est permis qu'elle se dévoile. Non. Donc je dis que quand donc elle a parlé de sa mère. Non. Quand une mère, comme ma mère, elle et son cousin ont bu du lait en même temps. Non. Quand ma mère, écoutez bien la règle, quand ma mère allaite une personne, un enfant, qu'il soit mon cousin, qu'il soit l'enfant du voisin, il n'y a pas de différence. Si ma mère allaite un enfant, c'est-à-dire si c'est ma mère qui l'a allaité, il faut que ça soit pendant les 2 premières années et que ça soit plus de 5 fois, plus de 5 fois. Si les deux conditions sont réunies, c'est dans les 2 premières années et plus de 5 fois, ça veut dire que ce bébé est devenu mon frère à moi et à tous mes frères et mes sœurs. Mon frère à moi et à tous mes frères et mes sœurs. Mais les frères et les sœurs de ce bébé ne sont pas mes frères à moi et à mes sœurs. Les frères de ce bébé qui n'ont pas bu le lait de ma mère ne sont pas mes frères ni mes sœurs. Ne devient mon frère que celui qui a allaité de ma mère. C'est lui seul qui est devenu mon frère à moi et à tous mes frères et toutes mes sœurs. Et le contraire, si moi, je vais boire le lait d'une femme, hein, je vais téter sa poitrine, ça veut dire, seulement moi, je serai son fils. Ce n'est pas mes frères et mes sœurs qui vont être aussi le fils de cette mère. Mais seulement moi, je vais être son fils de lait. Non. Je ne sais pas si vous avez compris jusque-là ou là il y a un problème. Donc, pour répondre maintenant exactement à la question de la sœur, elle a dit que il y a un enfant qui a bu, son cousin qui a bu le lait de sa mère. En même temps, et son petit frère et un autre cousin. Hein? Donc, tous ceux-là sont des frères. Mais seulement ceux-là. Seulement ceux qui ont bu le lait de sa mère. Seulement. Devant ceux-là, s'ils ont bu pendant les 2 années et 5 fois au moins, ce sont des frères. Mais les autres, non. Et ensuite, ça me pousse à vous dire une chose. Il y a beaucoup de sœurs qui ont des problèmes dans l'allaitement. Beaucoup de sœurs croient qu'on est obligé d'allaiter 2 ans. Non. Mais le plus étonnant, c'est que j'ai entendu une fois une sœur dire que elle a compris que Cheikh El Fawzan Rahmo dit que ça m'a vraiment étonné. Que si on a un enfant, on n'a pas le droit de l'allaiter plus de 2 ans. C'est-à-dire si j'ai mon enfant, hein, je n'ai pas le droit de l'allaiter plus de 2 ans. S'il a 2 ans, classe, je dois arrêter son allaitement, même s'il a envie. Et moi, je vous dis que Cheikh Fawzan Lahmou n'a pas dit cela. Cheikh Fawzan a voulu dire autre chose. Mais beaucoup de sœurs n'ont pas compris sa fatwa. Qu'a voulu dire Cheikh Fawzan Lahmou? Cheikh Fawzan Lahmou ne parlait pas de l'enfant de la mère. Il parlait de l'étranger. Que si une femme voulait allaiter quelqu'un qui a dépassé 2 ans, que ça se faisait pas. Et que c'était haram. Une mère ou là une femme va ramener le fils du voisin qui a 5 ans et elle va l'allaiter. Il n'a pas le droit, à 5 ans, de voir la poitrine de cette femme. Et encore et pire, d'allaiter. Voilà ce qu'a voulu dire Cheikh Fawzan Lahmou. Mais si une femme a un enfant de qu'elle veut allaiter 2 ans, ou là 3 ans, ou là 4 ans, ou là il veut pas s'éloigner de la poitrine de son mère, il est libre, c'est entre elle et son fils. Est-ce que vous avez compris cette chose, Inch'Allah Ta'ala? Dites-moi si vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala. Abou Marwan s'est compris, Taliban s'est compris. Alhamdoulillah. Donc, excusez-moi si je vais arrêter ici, parce que je viens d'arriver d'un voyage, je suis fatigué. Tfadlal pour le voile, Abou Marwan, si c'est pas compris, dis-moi encore, qu'est-ce qu'il y a pour le voile? Tfadlal, prends le micro. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Si à la finale, ils sont frères et sœurs de lait, est-ce qu'elle peut enlever son voile devant lui? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et aussi, attendez juste un instant. Et aussi, ce qui revient souvent, c'est que les frères et sœurs, ils ne connaissent pas quels sont les droits que ça donne le fait d'avoir un frère et une sœur de lait. C'est quoi les droits que ça donne? Est-ce qu'on a le droit d'enlever le voile devant cette personne? Est-ce que j'ai le droit de rester tout seul en tête à tête avec cette personne? Est-ce que j'ai le droit de partir en vacances tout seul avec cette personne, etc. Naam, si on a un frère de lait, c'est devenu un mahram. C'est devenu un mahram. Ça veut dire, je peux me dévoiler devant lui. Je peux rester en tête à tête avec lui. Je peux voyager avec lui. Et comme ça, lorsqu'on a un frère de lait, il n'y a pas la différence entre un vrai frère et un frère de lait. Sauf bien sûr que le frère de lait, comme vous savez, que il va pas hériter. Naam. Mais il a les mêmes statuts, c'est-à-dire question de mahram, mais question de voile et pas voile. Je me dévoile devant mon frère de lait et je reste en tête à tête avec lui. Naam. Tfadlal à propos de l'horaire. Ensuite, pour le frère qui a des problèmes financiers, qui est en Angleterre, etc., est-ce qu'on peut récolter de l'argent et aider ce frère? Naam. Si vous récoltez de l'argent pour aider ce frère, Barakallahu fikoum. Et c'était dans ce cas que je vous ai parlé de lui. Sinon, à quoi ça sert que je vous dise qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes si on ne va pas l'aider? Et je vous avais dit qu'il y avait une sœur aussi coincée en Égypte. Une sœur coincée en Égypte. Naam. Maintenant, il y en a deux. Il y en a deux qui sont coincés là-bas en Égypte et qui ne savent plus quoi faire, ni où habiter, ni comment faire. Subhanallah al-Azim. Allah. Donc, si vous pouvez récolter un peu d'argent, inshallah ta'ala, vous m'en faites part, bi'idhnillah ta'ala, pour vous dire comment qu'on va faire, inshallah ta'ala. Des gens veulent savoir comment faire pour leur faire parvenir de l'argent. Vous, ce que vous faites, c'est que de récolter cet argent. Et ensuite, quand il sera récolté, je vous donnerai, inshallah ta'ala, les adresses respectives des gens pour les aider, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.